Bacardi Pie. Le triple zéro, c'est Bacardi Pie. C'est Pete Bacardi, pour ambianceur. Avec Jimmy Findus, Red Banging. T'es fou, tu t'en fous. L'espoir du ghetto, pour ambianceur. L'exercice de modestie, c'est là ma vertu. Bacardi Pie. Ghetto, ghetto. C'est l'année Bacardi. 2 triple 0 Black Star, super héros négroïde. Assure dans le sexuel, ghetto ambianceur. Sur mes plates-bandes, trop de menteurs. Inconnus en sous-sol qui veulent leur envoi d'ascenseur. On veut Bacardi. Pour mes frères et sœurs, ceux qui me salissaient, je m'installe. Le monde m'appartient, Black Rapper Messi. Pour ce début de siècle, un nouveau cycle. Miracle, le ciel vous envoie un nouveau disciple. L'espoir du ghetto. Ghetto, ghetto, on nous met le veto. La force vient d'en bas, donc à nous la victoire. Mon lexique plaît, donc on veut découvrir l'homme. Sous tous ses aspects, je rappe pour vieux. Jeune et môme, lâche pas l'affaire, te laisse pas faire, ça reste mon hymne. Ouais. Tous les jeunes arabes et noirs, que ce soit le leitmotiv. Ouais. Toujours agressif, fit au mic, là est né un mic, ouais. Tu connais l'histoire. Disque d'or sur Red Nike. Lève ta main si tu kiffes mon style. On jette les armes sur le son, on swing. Quelle ambiance. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu te défiles. Lève ta main si tu kiffes mon style. On jette les armes sur le son, on swing. Quelle ambiance. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu défiles. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I, Bacardi, B, C, S, A. C'est puissant, un label qui pense que les messes basent en conjugué au passé. Donne la réplique à tous ces mecs impliqués dans cette mascarade qui a pour but de nous voir abdiquer. Mec sans faire couler le sang, fait tourner le son. Et le souci c'est qu'avec ça on fait rentrer beaucoup de sous. J'rappe et j'encaisse en ginépolo poste là. Pas besoin de costard, j'peux dire que quand ça rentre ça reste là. Pas instruit ou presque, des mots pas que de cité. Mais quand j'tiens mon discours, j'chiote même les mecs hein. Quand t'es de la rue une chose, attention qu'il ne t'arrive rien. Rien c'est ce qui peut arriver de pire quand t'es môme hein. Moi j'viens de rien et j'veux tout, j'ai la faim au ventre. Quand j'ai j'en suis fier contrairement à ceux qui disent que j'me vante. Lève ta main si tu kiffes mon style. On jette les armes et sur le son on swing. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu défiles. Lève ta main si tu kiffes mon style. On jette les armes et sur le son on swing. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu défiles. Je ne change pas de fond, tête de forme. À ceux qui affirment que je suis mort vivant, ce qui me concerne, j'fais toujours la forme. Aussi mort que Jésus, aussi en chien que Crésus. J'écris juste qu'il faut un négro, sachant que la rime c'est dit. On me demande vite pourquoi tu parles autant de thunes. Tu crois que je vais rester là, attendre que le croque-mort fasse fortune hein. De triple zéro le trip, secteur A, première casse l'équipe barbare. Camouflé, Jean Guéry, berbère, dardard c'est spare, spare. Dans les têtes qui s'exclament, ben, tu rêves pas ce retour de Pete Bacardi. Tu m'as reproché d'être si loin de toi, d'être si loin de tout. Ce rap dur qui fracture encore ces sales bords. Au ciel, tiens les biens en haleine, fais-le. Car j'ai bien, j'ai du fil et du fion à faire couler. En 2000, c'est Carocori, un peu moins toxique. En tout cas, ouais, ça, on joue du violon avec des cordes. Lève ta main si tu kiffes mon style. On jette les armes et sur le son on swing. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu défiles. Lève ta main si tu kiffes mon style. On jette les armes et sur le son on swing. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu défiles. Lève ta main si tu kiffes mon style. On jette les armes et sur le son on swing. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu défiles. Lève ta main si tu kiffes mon style. Première classe. On jette les armes et sur le son on swing. J'anime les foules, même les plus hostiles. Bouge avec moi, faut pas que tu défiles. Bacardi.